Fly FM. Dans une minute. Dans une minute. Le meilleur du hit revient. Le samedi 8 avril, un petit tour dans les îles, une soirée chaude et tropicale avec le DJ Tommy Mix Live. Ça vous tente? Couleur Hibiscus, la référence des Antilles, vous emmène pour un soir goûter sa chaleur, sa musique, vous mangerez créole, vous danserez toute la nuit. Ambiance caribéenne garantie avec le DJ Mix Live. Tombola gratuite. Le repas commence à 20h30, la soirée à 21h. Pensez à réserver au 06 52 14 79 03. 06 52 14 79 03. La soirée chaude et tropicale, c'est le samedi. Samedi 8 avril, Selma Elia à l'Auriole du Comtat. Bric-à-brac à idées sur Fly FM, c'est tous les mercredis de 10h à 11h. Et en rediffusion le vendredi à 14h. Top chrono, athlétisme. Allez. C'est bon pour l'athlétisme, tu me dis, hein, François. On écoute. Eh bien, donc, très bien, on passe la page athlétisme en attendant Didier Bougon qui est coincé, on a cru savoir, par un pigeon voyageur qui était du côté de Maisons-la-Romaine, en espérant qu'il retrouvera la route pour venir ici à Bulle-Baronnie. Page athlétisme, je peux vous assurer que ce soir, on est très bien garni avec Yemouni, on va dire la tête qu'on ne présente plus, hein, le CSMA de Montfavet, hein, ce club qui est énorme aujourd'hui. Tous nos meilleurs athlètes du Vaucluse font partie de ce joli club. Jean-Pierre Bouix. Je me suis trompé, Jean-Pierre. Il n'y a pas de O, oh, hein. Jean-Pierre Bouix. Moi, j'ai trompé. J'ai Mounir. Ah, et bon, par contre, Bardel. Christine, tout va bien, messieurs? Ça va, tu t'es pas trompé. Pas de faux, super. Alors, Christine est à côté de moi. Jean-Pierre, en deux mots, dis-nous, quel a été le moment fort de cette course magnifique? Alors, du Tour des Remparts, d'abord, ce que je tiens à dire, c'est qu'il y a eu une course des enfants, c'était exceptionnel. Il y avait le feu dans Avignon. Moi, je pense qu'il y avait dans les 700 enfants. Il y avait des écoles, il y avait le challenge du nombre. C'est toujours la même école qui a gagné, je crois que c'est Jean-Henri Fabre. Et sur ce podium, il y avait des choses extraordinaires. Et puis après, toute la rue de l'Arrêt était libérée pour les bipèdes, il n'y avait plus de voitures. Et on courait, il y avait 4 ou 500 coureurs, c'était extraordinaire. Et puis on a vu Christine Bardel qui termine 7e de la course complète au général en étant féminine. Mounir a fait le 5 km, il était un peu en roue libre parce qu'il n'a pas fait le 10 km et courait surtout parce que c'était Avignon. Ah, écoute, ça a été quelque chose d'exceptionnel. Des milliers de spectateurs, c'était un moment magique, je le dis. Ça a été la grande édition du Tour des Remparts pédestres. Oui, parce que Jean-Pierre, tu as connu des Tours des Remparts. C'était le rendez-vous incontournable. Est-ce qu'aujourd'hui, on est pratiquement sur ces bases-là? Alors, on est sur ces bases-là, mais c'est vrai qu'il va falloir travailler un petit peu le nombre. Parce qu'on a eu 4 ou 5 coureurs, et il faudrait qu'il y ait au moins 1000 participants. On y arrivera. L'équipe qui a pris, c'est le club de Montfavet-Avignon, tu le disais, eh bien, est un peu jeune là-dedans, puisque c'était la première fois qu'ils organisaient véritablement. Mais ils ont tellement fait de choses formidables, ils ont tellement appris, je suis persuadé, eh bien, qu'on va avoir une course dans les années à venir qui va compter, qui sera extrêmement importante. Et on va peut-être aussi attirer encore plus l'élite. Ça aussi, c'est important. Alors, Mounir, dis-nous ton sentiment, parce que toi, tu es quand même à la tête de roue aussi de ce Tour des Remparts. Exactement, je rejoins un petit peu ce que dit Jean-Pierre, c'est sûr que ça a été une grosse réussite. Je vais un petit peu revenir sur l'historique. C'est vrai qu'elle a été annulée il y a 2 ans, l'année dernière c'était une relance, et on a eu tous les atouts cette année pour vraiment faire un très grand Tour des Remparts avec une course exceptionnelle des enfants, plus de 700 enfants sur les rues d'Avignon, et puis au final pour une première édition qui est labellisée, c'est la première fois qu'on labellise le 10 km, un très très très beau plateau, 500 participants, avec une fille exceptionnelle, Christine Bardel, qui a fait un chrono, très bon chrono. Elle était parmi les 10 premiers Oscars 7e de la course. Mohamed Serghini qui gagne la course, qui a été 3 fois d'affilée premier français, avec un très beau plateau, avec Navarro. Ça veut dire qu'il y avait à la fois de la qualité, des gens qui viennent courir pour se faire plaisir. C'était une course populaire, et ça reste aussi ça l'état d'esprit du Tour des Remparts. Et on a eu le beau temps, en plus ils annonçaient du mauvais temps. Tout a été, tous les indicateurs étaient au vert pour passer une journée exceptionnelle. C'était une journée exceptionnelle. Le Tour est relancé, vraiment relancé pour longtemps, je pense. En plus il y a eu un bon partenariat avec le Vaucluse Matin, qui a l'histoire de la création de ce du Tour des Remparts avec le club, et ils ont fait un petit peu l'historique de tous les champions, dont Joseph Mahmoud qui est venu l'année qui est venu en invité d'honneur hier, et médaille d'argent aux Jeux Olympiques. Alors, excuse-moi d'intervenir, mais Jean-Pierre, je me retourne vers toi, parce que toi tu es un petit peu la voix de ces courses pédestres, de ces courses populaires. Marseille Cassis, on me dit que Saint-Jean-Pierre, ça ne peut pas exister. Ça, c'est ce qu'on me dit, et moi je le crois, parce que c'est vrai. Je confirme. Tu confirmes. Hein, comme le Tour des Remparts. Alors, Jean-Pierre, je vais me servir de toi ce soir pour nous présenter nos deux hôtes, nos deux athlètes énormes, qui est Christelle et à la fois Mounir. Alors, je vais peut-être commencer par Mounir, parce que c'est lui qui était l'hôte, celui qui nous accueillait à Avignon. C'est un des plus grands champions français qu'on ait eu, je tiens à le dire. Et il faut le rappeler, parce que des fois on l'oublie, le temps passe. Il a été finaliste aux Jeux Olympiques, finaliste aux championnats du monde, il a été champion de France plusieurs fois, il a même fait partie du club de l'ancien président de la Fédération française d'athlétisme. C'est un grand monsieur, et je crois qu'il est surtout exemplaire, parce que quand il est revenu à Avignon, il a voulu rendre et à l'athlétisme et à Avignon ce qu'Avignon et l'athlétisme lui avaient apporté. Il a fait une équipe. Alors au départ il y avait des jeunes qui étaient un peu novices, il les a formés, puis c'est un club qui a monté, les champions sont venus. Et maintenant, on a un club absolument exemplaire. Et c'est ça. Mounir a voulu rendre ce qu'on lui avait donné. Il a même été adjoint au maire au sport de la ville d'Avignon. Et c'est un parcours exemplaire. Je crois qu'il faudrait qu'on prenne modèle sur lui. Alors bien sûr, des fois, il peut avoir un peu des contre-coups. Parce que quand on s'est fait soi-même, on ne sait pas toujours comment il faut faire. Et peut-être qu'on aurait pu l'aider dans un autre contexte. Mais ça, c'est quelque chose qui nous dépasse un petit peu ici. Et puis Christine Bardel. Christine Bardel, elle est exceptionnelle. Elle a été plusieurs fois championne de France du 5000 mètres. Elle a été 8 fois, je crois, vice-championne de France de cross. Elle a été 20e au championnat du monde de cross au Kenya, 22e au Japon. Elle est venue s'installer à Buis, elle a gagné souvent à Buis. Alors, vous le voyez, là, ce soir, bon, si elle n'avait pas la radio, elle serait derrière le comptoir en train de servir. Et elle va s'entraîner à Carpentras, une piste qui a 40 km. Pour préparer le 5000 mètres, c'est difficile, elle court dans la montagne. Et puis je veux quand même ajouter que logiquement, elle aurait dû être au championnat d'Europe à Zurich. Hein. Elle a réalisé les minima pour Zurich, elle les a pulvérisés une semaine avant les championnats d'Europe, donc elle ne pouvait pas être prise. Jean-Pierre, juste je te coupe là, à un certain moment, pourquoi je te coupe? Parce que tu viens de parler de Christine en me disant, elle court dans les montagnes. Rappelle-toi, Pierre Liardi courait dans les montagnes, et nous a ramené de belles victoires, je crois que ça l'a pas dérangé de venir à Buis. Non, mais quand même, ce que je peux dire, je ne sais pas si elle va répondre là-dessus, mais l'époque de Pierre Liardet, c'était notre... Il n'y avait pas les Kenyans, il n'y avait pas les Éthiopiens. Maintenant, tu te retrouves devant des monstres qui parfois peut-être aussi se dopent, on n'en sait rien, puisqu'il y a un peu quelques soupçons de dope. Oui. Et comment veux-tu que quelqu'un qui n'est pas dans la meilleure condition, qui travaille, qui va courir dans la montagne, où on sait que les articulations peuvent céder. Et puis je voudrais quand même terminer 2 secondes pour Christine en rappelant que logiquement, elle avait comme ambition d'aller aux Jeux Olympiques à Rio de Janeiro. Elle avait le 5000 mètres dans les jambes et malheureusement elle s'est blessée. Autrement, je suis sûr qu'elle représentait la France au 5000 mètres au Rio de Janeiro. Et je me faisais une fête parce que j'assistais aux Jeux Olympiques. J'y étais, moi, dans le stade. Et crois-moi que là-bas, les 60 000 spectateurs, ils m'auraient entendu. Tu vois ce que je te dis? Christelle, comment on fait pour pouvoir répondre à Jean-Pierre qui a été élogieux, mais c'est vrai, c'est vrai. Et je suis encore plus émerveillé ce soir de me retrouver ici, dans une brasserie, un restaurant. Tout à l'heure, on aura le plaisir de goûter peut-être de très bonnes choses à ta compagnie. Comment tu fais pour tout gérer? C'est fantastique. Ah bah, ça n'a pas toujours été comme ça dans ma carrière, quoi. Il y a une bonne partie de mes performances, je les ai faites aussi quand je ne travaillais pas. Donc, là, c'est depuis, ça va faire la 4e année qu'on est installé ici, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais bon, c'est mon choix, c'est moi qui ai voulu venir m'installer ici et entre autres m'investir dans cette brasserie, donc à partir de là, j'essaie de cumuler entraînement et travail du mieux possible. Alors tout à l'heure, Jean-Pierre, juste en aparté, juste avant que cette émission démarre, on parlait un petit peu du temps que tu avais mis autour des remparts, tu avais l'air de râler. Peut-être Mounir peut revenir. 34, j'ai oublié les secondes. C'est 52. Pas mal, non? 52. Ouais. Bah, c'est déjà un très bon chrono. Après, elle était un peu affaiblie. Je suis rarement satisfaite, mais c'est pour ça, en fait. On n'est jamais. Il y a toujours moyen de faire mieux, c'est pour ça. Non, mais après, pour revenir sur le Tour de Rempart, c'est vrai que moi, c'était ma première participation. C'était une belle course, quoi. Franchement, c'est à faire, c'est à découvrir. Avignon, c'est une très belle ville au niveau du patrimoine. Et justement, quand on fait des 10 km comme ça, intramuros, ça donne de jolies courses. Alors, on va rester deux minutes encore sur le Tour des Remparts. Je me retourne vers toi, Jean-Pierre, pour nous parler un petit peu de cet historique. Parce qu'il faut savoir qu'avant, c'était le CSPTT. Je me trompe la création de la SPTT d'Avignon. Le CSPTT, c'est toujours le CSPTT. Il y a juste le nom qui a changé, maintenant qui s'appelle le CSA. Le club qui a créé le Tour des Remparts avec le Vaucluse Maté. Mais il est plus au courant que moi, puisque c'est lui qui a pris la suite du club. Voilà. Moi, je le commentais, mais lui, il était au cœur de l'action. Le club en 2012, je l'ai récupéré avec une vingtaine, trentaine d'adhérents. Je l'ai réanimé. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une fierté de voir tant d'athlètes, à la fois que ce soit chez les enfants, c'est le groupe loisirs, et ils sont aussi performants, et aussi redonner vie au Tour des Remparts, c'est aussi grâce aux bénévoles, aux dirigeants du club qui ont voulu aussi relancer ce Tour des Remparts et recréer aussi cette connexion avec l'histoire, parce que toute cette semaine, il y a eu une grosse lumière sur ce Tour des Remparts où on a fait l'histoire de tous les champions qui sont passés. Et donc c'est aussi une grosse lumière pour la course à pied, pour la course du Tour des Remparts. Et moi qui l'ai gagné, j'étais dans l'organisation hier, je suis partenaire à plusieurs casquettes. C'était un plaisir pour moi de voir cette édition et d'accueillir une fille comme Christine Bardel. C'était très très très très plaisant. Christine, ça t'a mis une pression un peu plus, parce que bon, tu as connu, il vient de le dire Jean-Pierre, avec le palmarès, tu connais ce que c'est que d'avoir un petit peu la pression, mais tu avais envie de bien faire, Avignon. Bah oui, j'avais envie de bien faire, quoi. J'étais partie sur un chrono un peu meilleur que ça, mais après, voilà, ces aléas d'un jour, d'une course, après, c'est pas parce que je suis un peu mitigée sur mon résultat que j'ai pas pris plaisir à courir. C'est quand même de voir tout ce monde, ça donne... Oui, vas-y. Je vais juste te dire, tu resteras dans l'histoire, c'est la première fois qu'il y a un 10 km officiel sur le Tour des Remparts, ouais. Et donc tu as le record, ouais, absolu. Au moins tu restes dans l'histoire. C'est ma première participation, c'est la première fois qu'il était qualificatif, donc j'ai le record de l'épreuve. Voilà. Pendant un an au moins. Jean-Pierre, est-ce que le Tour des Remparts faisait 10 km exactement? Il me semble qu'il était un peu moins, non? Avant, oui, je l'ai. Non, mais c'est labellisé, donc non, c'était. Non, mais avant. Avant, en fait, dans l'histoire, il a commencé en décembre, c'est 8 km 500 à peu près. Après, il est monté jusqu'à pratiquement 11 km, 10 km 900. Et aujourd'hui, il fait 10 km pile. Il était au mois de décembre, puis au mois de février. Et là, il est au mois de mars depuis 2-3 ans. Bon, merveilleux. C'est très important d'avoir un 10 km, c'est pas qualificatif, parce que ça va attirer du monde pour tous ceux qui veulent faire un chrono pour se qualifier en France. C'est vrai qu'avoir un 10 km labellisé à Avignon, je pense que ça peut que attirer des coureurs. Tu as fait les minima, toi, alors? Ouais. Là, sur Avignon? Oui, bien sûr. Ouais. Ça va, c'est qualifié, quoi. Elle est fait sur une main. Ils sont pas trop relevés, donc il n'y a pas de mérite de ce côté-là. Oh, mais quand même, c'est combien le... C'est pas du tout, ça doit monter, je pense, jusqu'à 42 minutes chez les femmes. Elle peut les faire sur les mains. 34 minutes chez les messieurs, pour les seniors, pour les messieurs. On avait eu Christine Donnet, c'est ça? Christelle Donnet. Championne d'Europe de marathon à Zurich. Voilà, on l'avait au téléphone, et elle aussi, elle était déçue, parce qu'elle a fait les 21 km à 1h10. L'autre fois, tu n'as pas fait un temps super bon. 1h12. 1h12 à Lisbonne. Il y a une semaine, ouais. C'est pareil, ouais, je pense qu'elle est pas contente de sa perte. Non, je la comprends. Mais si, 1h12, il y a pas mal. On est rarement satisfait, à part si il y a vraiment un titre au bout. Généralement, quand on fait une préparation, on est désintéressé, parce que la plupart des athlètes sont des perfectionnistes. Donc, il suffit de rater de 10 secondes, 15 secondes son objectif. On est insatisfait, mais au fond, le travail il y est, et puis après, c'est des réglages, et la satisfaction, elle arrive à l'objectif final. Ah, enfin, monsieur Bougon arrive. Alors, attendez que Didier Bougon arrive, on va retourner au studio, parce qu'on a Horizon, le magazine de notre charmante Marie, si elle est arrivée. Je pose la question à François. Alors, on va rester ici pour parler de ce Tour des Remparts, et surtout de ce focus qui peut démarrer. Je te laisse nous le lancer. Ce soir, focus en direct depuis les Baronnies, où c'est que nous allons depuis tout à l'heure. Nous parlons bien sûr de ce Tour des Remparts, mais nous allons parler un petit peu de ce qui se passe à Bulle Baronnie, de ce cadre merveilleux, de Christine Bardel qui a participé au Tour des Remparts, mais qui vit aujourd'hui à Bulle Baronnie, le stylissime, le grandissime, célébrissime, oh mon Dieu, je n'ai pas trouvé les mots, Jean-Pierre Bouix, qui est, on va dire, le... La voix de la course à pied. Hein. Et il nous accueille dans ce cadre merveilleux. Et Didier Bougon, en fin de compte, qui a pu retrouver, parce que quand il sort de Sorgue, bien souvent, il a du mal à retrouver les studios à Monteux. Non, c'est pas une question de studio, c'est que j'avais le bon GPS, mais je suis passé par Marseille, comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est bien, merci. Merci Didier, merci. On te taquine un peu, mais qu'est-ce qu'on t'adore quand tu viens nous rejoindre. Eh bien, juste avant de parler de course à pied, moi je vais parler un petit peu dans cette émission, pas souvent, mais on va parler un petit peu de l'élu qui était Jean-Pierre. Aujourd'hui, ça m'a mis un petit peu en colère quand je prends le journal local, La Tribune, et que je vois marqué, c'est un aparté à travers le sport, mais aussi parce qu'on a, c'est le bien quotidien de toute une commune, l'hôpital est en danger. Pourquoi Jean-Pierre, l'hôpital est en danger? Comment on fait pour aujourd'hui pour lever un hôpital dans un cadre qui est peut-être, on va dire, la capitale autour de ce cœur qui est les Baronnies? Voilà, ce que je tiens à te dire, c'est que c'est le monde rural, et que le monde rural a des difficultés pour pouvoir vivre, il faut bien le signaler. Je rappelle quand même que dans cet hôpital, et ça paraît invraisemblable, la partie historique, les murs, datent de 1914. 1914, on est en 2017, vous avez vite compris. Alors on les a rénovés, mais on les a jamais refaits, on les a jamais reconstruits. Donc étant donné qu'on n'est plus aux normes, et puis qu'on commence à être dans des conditions sanitaires qui sont désastreuses, il y a 5 ans, quand j'étais maire, j'avais obtenu que l'État et que le département financent un nouvel hôpital. Et puis le temps passant, eh bien, quand on a voulu pour construire l'hôpital, on nous a dit on ne vous donne plus l'argent. Donc on est vent debout, parce qu'il faut 16 millions au départ. 16 millions, c'est quand même pas la mer à boire. Le conseil départemental a un budget de 600 millions. On demande 4 millions en 6 ans, ce n'est pas énorme, pour que les gens puissent, parce qu'on a quand même des conditions un petit peu, on est en pente dans cet hôpital. Il y a le sol qui est spongieux, il faudrait mettre des... Il y a une source qui est autour, il faudrait mettre des micro-pieux. Et on se bat. Alors on m'a demandé d'être président du comité de soutien, je suis plus maire, mais on travaille bien sûr en liaison avec le maire et toute la population. Et on va se battre, on a fait des actions d'éclat, notamment dans le Dauphiné libéré, dans les journaux, et peut-être une émission de télévision bientôt. Mais on va se battre. Mais mettons un petit peu la complicité au cœur du problème. Si l'hôpital venait à disparaître, quand on passe un petit peu le pays des Baronnies, c'est combien d'habitants, c'est combien de personnes qu'il faudrait que se déplacent pour pouvoir faire cette opération? Je t'explique bien. Personne n'ose dire que l'hôpital va disparaître, parce que tout le monde sait fort bien, qu'on a beaucoup de cantons qui sont autour, et on arrose entre guillemets 10 000 personnes à peu près qui sont susceptibles d'être patients ici même. Bulles-et-Baronnies en lui-même a 2 400 habitants, le canton c'est 5 ou 6 000, mais on arrose aussi d'autres cantons si tu veux. Hein. Et donc, il n'y a que nous qui avons un hôpital local, autrement il faut aller à Nyons, qui est plus petit que nous, déjà il faut le savoir. Donc si on disparaissait, bien là, c'est plus pernicieux que ça, on ne nous dit pas qu'on va disparaître. Tout le monde nous dit, vous avez un hôpital, il est incontournable, il faut le garder et compagnie. Ce qui se passe surtout, c'est que si on ne fait pas de travaux, il est bien évident qu'un jour, eh bien, il y a des gravats qui vont tomber dans le lit des malades. C'est inconcevable. Et c'est pour ça qu'on se bat. On veut vivre, nous, dans le monde rural, dans la dignité. On a le droit de vivre, on paye des impôts comme les autres. Et alors le problème qu'il y a, c'est que nos amis du conseil départemental de la Drôme, très souvent, ceux qui ont les décisions sont des gens de la ville. Et nous, on est du monde rural. Et peut-être qu'ils comprennent mal ce que c'est que le monde rural. Et en ce moment, on est en train de nous faire des échangeurs d'autoroutes. Il va y en avoir un à Pierre-Alade-Saint-Paul, alors qu'il y en a un qui est à 6 km à Bolène, et l'autre est à 8 km à Montélimar. On va mettre 5 millions rien que pour ça. Est-ce que ça vaut le coup quand même de faire 3 échangeurs d'autoroutes, 6 km, 6 km? C'est scandaleux. Oui, non, mais Jean-Pierre, il faut continuer. Juste une chose que j'ai vu à travers le reportage de nos amis d'FR3, c'est que ici, Bulles-et-Baronnies veut rester un village actif. On a vu des commerces qui ont voulu un petit peu s'écarter. Au lieu de les sortir du centre-ville, on les a gardés au centre-ville pour faire vivre à l'intérieur du village. Tout à fait. Ça, c'est magnifique. Parce qu'il y a bien des élus, pour des raisons, on va dire, financières et sociales, de sortir des grandes enseignes d'un centre-ville. Vous avez fait le contraire, vous avez aménagé pour qu'ils restent dans le centre-ville. Effectivement, je vois que tu as vu le reportage de France 3, on a fait le maximum, et puis on essaye de dynamiser le village, on essaye d'avoir de nombreuses initiatives, et je pense que Christine, qui est commerçante, elle comprend ce que je veux dire, on essaye de faire que ce village bouge, qu'il y ait du dynamisme, qu'il y ait des festivités, parce qu'on est loin de tout grand centre, on est à 60 km d'Avignon, on est à 20 km de Vaison, on vit un petit peu en autarcie, il faut que les gens viennent nous voir, et puis que les gens nous aident à vivre, et ça aussi c'est important. Jean-Pierre, est-ce qu'on peut vous aider? Est-ce qu'il y a un site un petit peu pour râler? Parce que la désertification, on va dire, des petits villages, hein, parce que je veux dire, un hôpital au cœur des Baronnies, c'est aussi une aide sociale pour tout le monde, quoi. Et on a mis une page Facebook sur Internet, donc, comité de soutien de l'hôpital de Bulles-et-Baronnies et des services de santé. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Et puis tiens, si j'avais su, j'aurais amené une banderole. Parce qu'elle est toujours avec nous, la banderole. Non, mais on l'a vu juste à l'entrée du village, et c'est bien pour ça que ce soir, même si c'est une émission de sport, C'était obligé quelque part. On sait qu'on. Je te remercie, Fred. Voilà, on va retourner au studio tout de suite avant de revenir ici à Bill Baroni et d'être avec tout le monde, puisque Yamari, c'est Horizon. Préparez vos calepins, préparez votre calendrier. Voilà les rendez-vous du week-end avec Marie. Bonsoir Fred, bonsoir tout le monde, bonsoir toute l'équipe. Allô Marie. Ouais. Allô, allô, vous m'entendez ? Bonsoir tout le monde, bonsoir Fred, bonsoir Bulle et Baroni, donc c'est Marie. Et je vais vous présenter ce soir toutes les épreuves qui vont avoir lieu ce dimanche 2 avril. Nous allons commencer avec la première édition de course à pied, les Sentiers du Paty à Caron. C'est sur 13 km et un dénivelé positif de 400 mètres que vous découvrirez la chapelle du Paty, la magnifique vue sur le lac et le château du Barou, et bien sûr le domaine de la Pré-Fantastique. Une autre course à pied, ce sera toujours dimanche 2 avril, ce sera la deuxième édition du semi-marathon de Provence avec deux courses, le semi-marathon bien sûr, ou la Provençale de 5 km pour la bonne cause. Et c'est à Cavaillon. Dimanche 2 avril toujours, si vous préférez le VTT plutôt que la course à pied, eh bien il y aura la sixième édition de VTT, la Venasquaise, organisée par le foyer laïque de Venasque. Avec quatre parcours, un 8 km avec un dénivelé de 170, un circuit découverte et familial avec un ravitaillement, un 20 km avec un dénivelé de 545 mètres, ce sera un circuit sportif mais encore à la portée de pas mal de monde. Un 32 km avec un dénivelé de plus de 960, c'est un circuit sportif confirmé. Et enfin, un 41 km, bien sûr, pour les experts, avec un dénivelé de 1230 mètres. Les bénéfices de cette randonnée sont au profit des enfants de l'école de Venasque. Et enfin, pour finir, Fred, je te propose, si tu préfères aller courir sur le bitume, ce sera les 10 km d'Auchan-le-Pontet, toujours ce dimanche 2 avril, avec l'Union sportive Le Pontet Athlétisme qui vous présente sa 20e édition, donc du 10 km d'Auchan-le-Pontet. Ce 10 km appelé Souvenir Jackie de la Haye emprunte un parcours ayant la particularité d'être très roulant et rapide et qui se terminera après un tour de piste dans l'enceinte même du stade d'athlétisme Jean Joachim. Ce 10 km est classant et qualificatif pour les championnats de France de la spécialité Label Régional. Un départ à 10h, avenue Pierre de Coubertin à Le Pontet. Voilà, j'en ai terminé pour ce soir. Alors, bonne soirée, régalez-vous bien toute l'équipe et à lundi prochain. Merci, merci Marie pour cette belle page Horizon. On espère vite te retrouver dans nos studios. Mais ce soir, tu aurais été à Bill Baroni. Je pense que j'aurais passé une très très belle soirée parce que la soirée n'est pas terminée. Hein. Le magazine Horizon va continuer maintenant. Il est 19h34. On a pratiquement 26 minutes tandis que Didier Bougon est perdu du côté de son journal. Mon cher Didier. Comment tu vas, Didier ? Tout va bien, je me suis pas perdu, mais j'ai quitté le travail assez tard et on va attendre entre prendre la route et puis tout le reste, voilà. Alors Didier, présente-nous un petit peu les personnes et personnalités qui sont avec nous. Alors, au niveau de la gente féminine, comme tu l'as présenté... Ah, ça c'est de vrai suite, que, voilà, on démarre par la gente féminine, ça on était sûr. Priorité, hein. Christine Bardel qui nous a fait un festival, un show hier, puisqu'elle a une avance pas possible sur la deuxième au niveau de la course. En plus, c'est vrai que le parcours n'était peut-être pas roulant, comme elle l'a dit, mais elle s'est baladée. C'était une promenade, c'était son premier tour des remparts. Ensuite, c'est une habitude d'Avignon, parce que c'est pas la première fois qu'elle vient, elle fait aussi les 10 km d'Avignon. Et derrière elle, il y avait quand même une course où j'étais très impressionné par la facilité de Mohamed Serghidi. Il fait 30-12, tout seul. Il a été poussé dans son retranchement, c'est vrai, par l'athlète d'Aix, hein, qui n'est pas le dernier. Nicolas Navarro. Et bon. Ah, attention, Didier, je te coupe encore une fois. Si ça va pas, il y a même pire, il arrive. Hein. Il y a une bibliothèque. Il suffit que tu ouvres la bibliothèque. Il y a mon ire aussi, attention. Il suffit que tu ouvres la bibliothèque et il y a le tiroir où tu vois tes fils. Enfin, il y a eu deux super courses, mais ce qui était aussi impressionnant, c'est plus de 500 gamins qui étaient présents. Dans les rues d'Avignon, sur le bal de la République, et là, ça fait plaisir. D'ailleurs, à mon avis, c'est la première fois que je vois ça. Hein. Je ne sais pas si je vais m'adresser à Mounir. Oui, je pense qu'il y a eu un record, mais il y a eu même pratiquement 700 gamins en tout, et c'était vraiment magnifique. C'était aussi le clou du spectacle de la journée où il y a eu... Mounir, c'était un petit peu réfléchi. Et tu sais qu'on cherchait toujours une date, je crois que tout le monde voulait revenir en décembre parce que c'est les fêtes de Noël, parce que le Tour des Remparts avait connu un succès. Est-ce que cette date, tout compte fait, elle tombe à point nommé bien sur le calendrier, ou c'est qu'à la fois on peut récupérer des coureurs, les qualifications ne sont pas là, en plus ça devient qualificatif pour 10 km, mais ça peut attirer d'autres coureurs, parce que ça, les crosses sont pratiquement terminées, je veux dire. Le chemin de France est passé. Tu poses la question à la bonne personne, parce que c'est exactement moi qui a voulu que le Tour des Remparts ne soit plus mi-février, parce qu'il était en concurrence au milieu des championnats de cross. Donc, c'est ça. Donc ça n'était pas peu possible de vraiment attirer énormément et la développer. Là, ça fait depuis l'année dernière. L'année dernière, il n'a pas fait très beau. C'était la première édition où on relançait. C'est tombé pendant Pâques. Et cette édition-là, cette première édition fin mars, c'est exceptionnel pour une relance du Tour des Remparts. Que ce soit à la fois, comme j'ai dit, chez les enfants, une très très belle course avec énormément d'enfants, mais aussi un très beau plateau chez les garçons et chez les féminines. Et il y a eu aussi ce 10 km, ce 5 km où tout le monde peut participer. Et je pense que vraiment dans l'avenir, le tour des Remparts est vraiment relancé. Parce que le Tour des Remparts, c'est un monument à Avignon. Jean-Pierre va y revenir. 39e édition. Et c'est la plus grosse course qui existe dans l'histoire sur Avignon. Et aujourd'hui, ben, il y a eu énormément de champions. Saïda Ouita, Mimoun, Joseph Mahmoud. Qui ont gagné cette course. Boxberger, Clouvel. Il y a eu énormément de grands. La Lafitte, troisième aux Jeux Olympiques, sur 5000 mètres. Pour aller dans le sens, Mounir, et là je me retrouve à Jean-Pierre, parce que Jean-Pierre, c'est l'historique un petit peu du Tour des Remparts. Avant, les clubs de l'athlétisme toléraient que, presque à la limite une délégation qui aille représenter au Tour des Remparts. Vrai ou pas vrai? Alors, ce qui s'est passé, si tu veux, il y a 32 ans, quand le Tour des Remparts a été créé, il n'existait pas, ou très peu, de courses en ville. On courait un petit peu à l'extérieur, tout d'un coup, pof, nouveauté, on arrive et on va vers les spectateurs. Donc ils étaient là, et ceux qui n'étaient même pas intéressés étaient obligés de regarder. Et effectivement, comme ça a été une nouveauté, les clubs de l'extérieur sont venus, je me rappelle, de Montélimar, il y avait les clubs de la Drôme, il y avait les clubs qui venaient de très loin du Gard, et c'est vrai que ça a créé une ambiance. Il faut dire aussi qu'à l'époque, et même jusqu'à 10-15 ans, il y a peut-être beaucoup moins de courses. Hier, je ne sais pas combien il devait y avoir, dimanche, je ne sais pas combien il y avait de courses qui attirent un petit peu. Le dimanche d'avant aussi. Donc on a multiplié par 10 peut-être le cours, ce qui fait que c'est beaucoup plus difficile peut-être de faire venir encore autant de concurrents. Je ne sais pas ce qu'en pense Mounir. Exactement, il y a aujourd'hui les courses sont démultipliées, mais ce qui est intéressant, ce qui est unique dans la course des Remparts, c'est que c'est une course spectaculaire, il y a plusieurs tours. Le public en prend plein les yeux parce qu'il voit tous les champions défiler plusieurs fois. Alors que généralement, les courses, tu les vois au début, tu les revois à la fin. Et là, aujourd'hui, c'est vrai que le Tour des Remparts, il est vachement unique. Et tu rentres dans la vieille ville, dans les remparts à l'intérieur. Voilà. Et c'est compliqué. Alors, parce que... Ce que je me permets, Fred, parce que comme Christine a découvert la course hier, peut-être nous, on connaît un petit peu, mais elle, c'est un peu la néophyte. Oui, d'un coup, il y a un œuf. Comment elle l'a vécu, justement? Et dis-nous un petit peu ce parcours et relativement qui va être différent. Ouais, non, mais c'est un peu déjà ce que j'ai dit tout à l'heure. Avignon, c'est une belle ville au niveau du patrimoine, et pouvoir faire un 10 km intramuros comme ça, avec plusieurs boucles, ça permet, permettre au coureur, on va pas dire de visiter, mais profiter justement de longer les remparts. Il y avait une zone pavée qui était pas forcément le meilleur endroit pour courir, mais qui est sympa à passer. Et l'intérêt aussi d'avoir plusieurs boucles comme ça intramuros, c'est au niveau des spectateurs, parce que du coup, ils nous voient passer plusieurs fois. Ils ont vraiment un intérêt à suivre les coureurs, contrairement à des fois des courses où on part dans des zones industrielles avec des vieux bâtiments tout moches. Que là, franchement... Elle a été plus claire que moi. Même moi, hier, franchement, quand on longe les remparts, j'étais obligée de lever la tête et regarder un moment, parce que voilà, c'est juste beau, quoi. C'est vraiment top de courir dans ces endroits-là, quoi. Même pour ceux qui vont vite devant, mais aussi pour le gros du peloton. Et c'est pavé, parce qu'on parle bien sûr du cyclisme, vous connaissez que c'est toujours compliqué les pavés. Là, pour les appuis et tout, ça se passe à peu près bien, ils ne sont pas trop dégradés. Non, mais ça dure même pas 200 mètres. Ouais, il y a juste une petite partie à la fin. Je ne sais même pas s'il y a 30 secondes de course. Quoi. Voilà, il y a 300-400 mètres maximum. Ouais, bah voilà, il y a maximum une minute. Donc sur 30-40 minutes de course, c'est rien, quoi. Donc c'est pas là où forcément on perd du temps ou quoi que ce soit, quoi. Après, ça, ça fait un petit peu mal aux jambes quand même, mais bon, voilà, c'est anecdotique sur le parcours. Ouais, ça va, je croyais que c'était plus loin. Non, donc voilà, c'est anecdotique, quoi. C'est juste que c'est joli quand on y passe, mais après, ça n'a pas d'incidence spécifique sur le chrono final. Ouais, là, c'est un petit peu une belle félicitation pour l'organisateur. Oui, c'est... Moi, pour moi, aujourd'hui, c'est vrai que le Tour des Remparts, on ne pouvait pas le laisser s'éteindre, parce qu'à un moment, il était en voie d'extinction, on va dire. Et aujourd'hui, on l'a relancé de plus belle et de plus belle, c'est-à-dire à la fois chez les enfants, parce qu'il y a cette identité des enfants. Il y a un challenge de toutes les écoles d'Avignon et du département, les gens qui veulent venir courir, parce que c'est aussi magnifique pour les parents qui accompagnent leurs enfants. Et ce Tour des Remparts, aujourd'hui, il a été relancé de manière, on va dire... De la meilleure des manières, parce qu'aujourd'hui on a l'élite, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup aussi, quand tu vas homologuer cette course, parce que là, qu'est-ce qu'il y a eu de comme changement? Il y a eu juste 800 mètres de moins, une rue qui a été enlevée, donc c'est le même parcours sur l'histoire, et aujourd'hui on attire aussi l'élite, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent se qualifier au championnat de France, et on mélange avec la masse qui vient de se faire plaisir, qui vient de découvrir notre ville, et c'est une course qui est atypique, puisqu'elle reste dans les remparts, et il y a même de temps en temps des petits passages de pavés, mais ça, il n'y a pas trop d'incidence dans l'ensemble, mais c'est vraiment une course, comme a dit Christelle, nous on en a fait énormément, c'est beaucoup plus plaisant de courir comme ça que d'aller courir dans des zones industrielles, et même aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens prennent du plaisir à courir et aussi faire plaisir aux spectateurs de voir plusieurs fois les coureurs, ben, ils viennent aussi pour ça. Jean-Pierre, on a oublié quelque chose? Non, tout simplement parce qu'on a rendu hommage à Christine, elle le mérite largement, mais hier, il y a eu aussi un vainqueur, on en a parlé tout à l'heure un peu avec Didier, on a un coureur quand même qui s'appelle Mohamed Serghini, qui est certainement le meilleur coureur du Vaucluse actuel, et il y avait une petite particularité hier, c'est qu'il y avait un peu la revanche de Marseille-Cassis entre les deux premiers. Ah, là, je veux savoir. Et oui, parce qu'à un moment, Mohamed Serghini a terminé septième à Marseille-Cassis, et il a couru tout le long avec Nicolas Navarro, et c'est le sprint qui les a départagés pour quelques secondes, donc un qui fait 7e et un qui fait 8e. Et hier, ils se sont retrouvés tous les deux ensemble. Pendant 9 km, ils ont couru ensemble. Alors on se dit, est-ce qu'il va y avoir la revanche ou pas? Eh bien, Mohamed Serghini, dans la dernière ligne droite de la rue de l'Arrêt, a réussi à battre encore une fois Nicolas. Et moi, je tiens à rendre hommage à Momo, parce qu'au micro, il a dit... C'est normal que je gagne parce que lui prépare un marathon et moi je fais beaucoup plus du cours et il ne pouvait pas voir la vitesse que j'avais aujourd'hui. Et ça, c'est la marque des champions. Parce que quand tu justifies presque ta victoire à toi en disant c'est parce que lui, il n'était pas en forme, je trouve ça formidable, il n'a pas joué les fanfarons. Et en tout cas, on a eu une course entre les deux hommes qui était fabuleuse, mon ami Fred. On va revenir alors que la Christine, elle a atomisé la course. Qu'est-ce que tu lui te dises, moi? Christine, toi aussi, tous les deux, parce que vous êtes deux champions. Bien souvent, quand vous voyez vos adversaires, vous savez un petit peu les préparations qu'ils ont en cours. Je te dis aujourd'hui, je peux gagner. Ah bah c'est sûr, on connaît tous plus ou moins le niveau de nos adversaires. Donc après, on fait les courses en conséquence. Mais je pense qu'hier, ouais, il y a eu un beau duel chez les garçons et il y a vraiment un joli chrono à l'arrivée. Donc, de sérieux athlètes. Tu as gagné, Bill Baroni? Quelques fois. Oh là là, ça y est, écoute, non, je veux tout simplement te dire, c'est qu'au départ, elle venait presque un peu incognito, et ensuite, elle est revenue beaucoup plus officiellement. Elle a tellement souvent gagné, elle lui a tellement plu, que quand elle a su, avec son mari, qu'il y avait un barquet disponible, eh ben, elle a postulé pour l'acheter. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Hein. Fabuleux, fabuleux. Didier Bougon, dans ton petit coin, vas-y, mon Didier. C'est vrai que c'est difficile de reprendre derrière Jean-Pierre. Donc le problème, hein, Didier, alors je te chambre un peu, mais ça fait partie aussi du jeu de Fly FM. Tu peux nous dire ton palmarès par rapport à... Si, il y a... Il était bon. Non, sérieusement. Hein, il était adorable. De montagne, un chrono sur 10 minutes, il est adorable, c'est vrai. C'est vrai que Mohamed a vraiment a lutté puisque Navarro ne l'a pas fait de cadeau. En plus, il était peut-être un peu avantagé Navarro avec cette fin de parcours au niveau des pavés, parce que c'était pas évident. Heureusement qu'il pleuvait pas. On avait le beau temps. Parce que la partie descendante après derrière... aurait pu les surprendre. Hein. Et là-dessus, rien d'autre à dire, hein, puisque derrière, il y a encore des pointures. Hein. Il y a un gars d'Alès que je connais qui fait quatrième. Christophe Béron. C'est pas le dernier venu aussi. Et le troisième, je ne l'ai plus en tête. Mais Béraou, c'est lui le troisième. Béraou. Il est international, Ouais, il a été international en équipe de France de France, en fait. Ouais. Junior, je crois, non? Junior. Il a fait le championnat du monde en 2003 à Lausanne. Non, mais il y avait vraiment un gros plateau. Et je reviens sur le mano-mano de Mohamed Serghini et Navarro. Premier et deuxième à Marseille Cassis, il y a non, pas longtemps. Septième et huitième. Premier français. La première français, deuxième, et deuxième pardon, français ouais. À Marseille Cassis. Et aujourd'hui, hier, autour des remparts, c'était une très, très, très belle course. Un très, très, très beau finish. Ils ne sont pas lâchés. Et surtout, à la fin, la poignée sportive et les deux qui se respectent énormément. Et c'est ça, vraiment, la beauté de notre sport. Ouais, ce sport individuel qui reste. Alors, quand je vous vois, les deux champions qui sont à côté de moi, vous êtes toujours autant motivés. Quand on a passé une carrière et le palmarès que tu as, des fois certains champions, n'importe lesquels, s'arrêtent de leur discipline, ne courent plus. Et toi, Mounir, tu arrives toujours à trouver ce temps, parce que je sais qu'aujourd'hui, tu as des responsabilités, tu as beaucoup de choses. Hein. Moi, à titre personnel, maintenant, aujourd'hui, je fais vraiment pour me faire plaisir, je cours pour ma santé, mais vraiment là où je continue, c'est transmettre mon expérience, essayer de vraiment transmettre ce que j'essaie faire, que ce soit au niveau de l'entraînement, et essayer de temps en temps ramener des manifestations comme ça, parce que j'ai aussi une expérience. J'ai lancé le premier marathon des Côtes-du-Rhône l'année dernière, je vais me lancer pour la deuxième édition. C'est aussi la course à pied m'a beaucoup donné, ma ville aujourd'hui. Et souvent comme ça, les champions. Là, j'ai plus de préparation de haut niveau, parce que j'ai arrêté ma carrière depuis un moment, mais j'ai tout le temps un certain niveau pour me faire plaisir. Mais dans le fond, aujourd'hui, moi, à titre personnel, je veux aussi un petit peu mettre la lumière dans le sport qui m'a apporté tant. Ça, c'est merveilleux. Et toi, Christine, t'es toujours, comme on dit, pas compétitive, mais tu vas essayer de te qualifier pour quelque chose, pour gagner encore un titre, hein, parce que je vois que tu arrives à travers... Je te confirme qu'elle est toujours compétitive. Oui, ça, j'avais oublié de dire qu'elle a quand même été vice-championne d'Europe de cross par équipe l'année dernière, hein, c'est tout fabuleux. J'avais oublié de le préciser tout à l'heure. Hein. Et oui, je suis encore compétitive. Après, de là avoir des objectifs de très haut niveau, je pense que ça va être compliqué cette année, parce que je suis pas mal investie au niveau professionnel, donc ça prend beaucoup de temps de travail, ce qui empiète sur l'entraînement et surtout la récupération. Donc, et c'est vrai que pour revenir à ce que disait Mounir, à la base, on est quand même des passionnés de course à pied. Donc, comme lui, là, se reconvertir à faire des organisations, à toujours être dedans, c'est entre autres parce qu'on aime trop la course à pied. Vous voulez rendre un petit peu ce que vous a apporté ce sport? Ouais, parce qu'on sait, on connaît les bienfaits, tout ce qu'on peut tirer de positif à pratiquer, même que ça soit dans une pratique loisir. Hein, on ne parle pas que de performance et de très haute performance, mais ça peut apporter beaucoup, quoi. Donc c'est vrai que si on peut transmettre ça à des gens dans le loisir, c'est une satisfaction aussi de pouvoir transmettre cette passion. Allez, on va revenir dans deux minutes avec Didier Bougon. Didier, on passe à la pub, on passe à la pub et on revient, on est à Ville-Baronnie, et est-ce qu'on est bien? On revient tout de suite.